Les rendez-vous. Pendant son voyage à Balzora, les prêtres des étoiles avaient résolu de le punir. Les pierreries et les ornements des jeunes veuves qu'ils envoyaient au bûcher leur appartenaient de droit. C'était bien le moins qu'ils fissent brûler Zadig pour le mauvais tour qu'il leur avait joué. Ils accusèrent donc Zadig d'avoir des sentiments erronés sur l'armée céleste. Ils déposèrent contre lui et jurèrent qu'ils lui avaient entendu dire que les étoiles ne se couchaient pas dans la mer. Ce blasphème effroyable fit frémir les juges. Ils furent prêts de déchirer leurs vêtements quand ils ouïrent ces paroles impies, et ils l'auraient fait, sans doute, si Zadig avait eu de quoi les payer. Mais, dans l'excès de leur douleur, ils se contentèrent de le condamner à être brûlé à petit feu. Sétoc, désespéré, employa en vain son crédit pour sauver son ami. Il fut bientôt obligé de se taire. La jeune veuve Almona, qui avait pris beaucoup de goût à la vie et qui en avait obligation à Zadig, résolut de le tirer du bûcher dont il lui avait fait connaître l'abus. Elle roula son dessein dans sa tête sans en parler à personne. Zadig devait être exécuté le lendemain. Elle n'avait que la nuit pour le sauver. Voici comment elle s'y prit, en femme charitable et prudente. Elle se parfuma, elle releva sa beauté par l'ajustement le plus riche et le plus galant, et alla demander une audience secrète au chef des prêtres des étoiles. Quand elle fut devant ce vieillard vénérable, elle lui parla en ces termes. « Fils aîné de la grande ours, frère du taureau, cousin du grand chien, » c'étaient les titres de ce pontife. « Je viens vous confier mes scrupules. J'ai bien peur d'avoir commis un péché énorme en ne me brûlant pas dans le bûcher de mon cher mari. En effet, qu'avais-je à conserver? Une chair périssable et qui est déjà toute flétrie. » En disant ces paroles, elle tira de ses longues manches de soie ses bras nus, d'une forme admirable et d'une blancheur éblouissante. « Vous voyez, dit-elle, le peu que cela vaut. » Le pontife trouva dans son cœur que cela valait beaucoup. Ses yeux le dirent et sa bouche le confirma. Il jura qu'il n'avait vu de sa vie de si beaux bras. « Hélas, lui dit la veuve, les bras peuvent être un peu moins mal que le reste. Mais vous m'avouerez que la gorge n'était pas digne de mes attentions. » Alors elle laissa voir le sein le plus charmant que la nature eût jamais formé. Un bouton de rose sur une pomme d'ivoire n'eût paru auprès que de la garance sur du buis, et les agneaux sortant du lavoir auraient semblé d'un jaune brun. Cette gorge, ces grands yeux noirs qui languissaient en brillant doucement d'un feu tendre, ces joues animées de la plus belle pourpre mêlée au blanc de lait le plus pur, son nez qui n'était pas comme la tour du mont Liban, ses lèvres qui étaient comme deux bordures de corail renfermant les plus belles perles de la mer d'Arabie, tout cela ensemble fit croire au vieillard qu'il avait 20 ans. Il fit en bégayant une déclaration tendre. Almona, le voyant enflammé, lui demanda la grâce de Zadig. « Hélas, dit-il, ma belle dame, quand je vous accorderai sa grâce, mon indulgence ne servirait de rien. Il faut qu'elle soit signée des 3 autres de mes confrères. « Signez toujours, dit Almona. « Volontiers, dit le prêtre, à condition que vos faveurs seront le prix de ma facilité. « Vous me faites trop d'honneur, dit Almona. « Ayez seulement pour agréable de venir dans ma chambre après que le soleil sera couché et dès que la brillante étoile Céate sera sur l'horizon. « Vous me trouverez sur un sofa couleur de rose et vous en userez comme vous pourrez avec votre servant. » Elle sortit alors, emportant avec elle la signature, et laissa le vieillard plein d'amour et de défiance de ses forces. Il employa le reste du jour à se baigner. Il but une liqueur composée de la cannelle de Ceylan et des précieuses épices de Tidore et de Ternate, et attendit avec impatience que l'étoile Céate vint apparaître. Cependant, la belle Almona alla trouver le second pontife. Celui-ci l'assura que le soleil, la lune et tous les feux du firmament n'étaient que des feux follets en comparaison de ses charmes. Elle lui demanda la même grâce et on lui proposa d'en donner le prix. Elle se laissa vaincre et donna rendez-vous au second pontife au lever de l'étoile Algénib. De là, elle passa chez le troisième et chez le quatrième prêtre, prenant toujours une signature et donnant un rendez-vous d'étoile en étoile. Alors elle fit avertir les juges de venir chez elle pour une affaire importante. Ils s'y rendirent. Elle leur montra les quatre noms et leur dit à quel prix les prêtres avaient vendu la grâce de Zadig. Chacun d'eux arriva à l'heure prescrite. Chacun fut bien étonné d'y trouver ses confrères, et plus encore d'y trouver les juges, devant qui leur honte fut manifestée. Zadig fut sauvé. Sétoc fut si charmé de l'habileté d'Almona qu'il en fit sa femme. Zadig partit après s'être jeté aux pieds de sa belle libératrice. Sétoc et lui se quittèrent en pleurant, en se jurant une amitié éternelle et en se promettant que le premier des deux qui ferait une grande fortune en ferait part à l'autre. Zadig marcha du côté de la Syrie, toujours pensant à la malheureuse Astarté et toujours réfléchissant sur le sort qui s'obstinait à se jouer de lui et à le persécuter. « Quoi, disait-il, 400 onces d'or pour avoir vu passer une chienne. Condamné à être décapité pour 4 mauvais vers à la louange du roi. Prêt à être étranglé parce que la reine avait des babouches de la couleur de mon bonnet. Réduite en esclavage pour avoir secouru une femme combattée. Et sur le point d'être brûlée pour avoir sauvé la vie à toutes les jeunes femmes arabes.